Cochon d'avril de Géode Homme. Œuvre publiée sous licence Creative Commons CYNCND 3.0 en lecture libre sur atramenta.net. Cochon d'avril. Cochon, cochon, pas poisson. 1er avril, c'est pas une blague. Petit matin, soleil à l'horizon, rosée fraîche et lumière vague. À ma porte, Pâques au cochon. Deux sangliers labourent le chemin, bien dodus et tout ronds, tranquilles, peinards et sereins. Noirs et sauvages cochons, ils se régalent de mon jardin en toute impunité. Claquement de main, ils me regardent, intrigués, à peine intimidés. Enfin, ils s'éloignent sans s'affoler. 1er avril, Pâques aux cochons, les cloches sont passées, ont déposé en guise de bonbons, filles de poule ou lapin en papier doré, deux sangliers tout ronds. Enregistré par Christiane Jehan. Musique avec l'aimable autorisation de Pascal Krieg pour cet enregistrement.